Les personnalités du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique de Songun, du cercle d'études des études Jutsil, de l'association d'amitié avec la Corée et autres habitants de Grande-Bretagne ont livré le 25 mai une manifestation devant les ambassades américaines et sud-coréennes à Londres contre la politique d'austérité scélérate des États-Unis envers la Corée.